Voilà, c'était le groupe Trio dans la chanson Greenwashing. Le groupe Trio insiste beaucoup sur le respect de l'environnement. Ils ont même une offre spéciale pour celles et ceux qui se rendent à leur spectacle en transport en commun ou par covoiturage. Monsieur Blaquière, bonjour. Bonjour, Madame Monette. On se met à rêver que les artistes du Québec en fassent autant. Exactement. Écoutez, sur le site du Festival de films de Portneuf sur l'environnement, au cours duquel votre documentaire va être présenté au printemps 2013, plus précisément le 26 avril 2013, on peut lire ce qui suit. Denis Blaquière a débuté sa carrière en remportant en 1969 avec Roger Quentin le Grand Prix de l'Association des cinéastes amateurs du Canada, fondateur et acteur du groupe humoristique Les Carcasses. Il mène une carrière de comédien, humoriste et réalisateur. Il a réalisé près d'une dizaine de documentaires et de séries documentaires, dont L'Hypnose, une fenêtre sur l'esprit en compétition au Gémeaux 2003. Monsieur Blaquière, d'où vous est venue l'idée de faire le documentaire La Poubelle Province? Eh bien, dans le documentaire La Poubelle Province, j'ai voulu, si on veut, découvrir un peu la face cachée de nos poubelles et de notre bac de récupération. Parce que vous savez, comme vous et moi, hein, on est très consciencieux, on récupère des matières qu'on met dans notre bac, on met les autres trucs dans la poubelle, on apporte notre poubelle puis notre bac au bord du chemin, et ça disparaît comme par magie. Mais on dirait qu'il y a personne qui se demande combien ça coûte cette magie-là, puis quels sont les magiciens qui en profitent, et puis est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent au Québec dans la gestion des matières résiduelles? Et puis, en faisant le film, ben là, j'ai découvert des trucs là, qui m'ont littéralement jeté en bas de ma poubelle, c'est le cas de le dire. Je pense que la première chose qu'on découvre dans le documentaire La Poubelle Province, c'est que les Québécois sont parmi les plus grands producteurs de matières résiduelles de la planète. Ça, c'est vraiment incroyable. Le Québec produit 13 millions de tonnes de matières résiduelles par année. Ça veut dire 25 tonnes à la minute. Alors, c'est incroyable comme quantité de matières résiduelles qu'on produit. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est que, bon an, mal an, il y a toujours 5 millions de tonnes de ces matières-là qui sont soit recyclables, soit compostables, qui sont envoyées à nos frais dans des dépotoirs ou brûlées dans des incinérateurs. Oui, d'ailleurs... Allez savoir. Oui, d'ailleurs, votre documentaire débute par un paradoxe. Vous l'avez bien souligné, on se pense tout à fait vert au Québec. C'est un paradoxe, le paradoxe des méga-dépotoirs, justement, c'est un paradoxe parce qu'on a l'impression de faire ce qu'il faut pour recycler. Moi, en tout cas, j'avais cette impression-là. Et pourtant, on est loin d'une situation idéale. Comment est-ce qu'on en est venu là? Bien, voyez-vous, le problème qu'on découvre dans le documentaire La Poubelle Province, c'est qu'au Québec, on produit des déchets en quantité industrielle. Donc, ça prend des processus industriels pour régler nos problèmes. Alors, quand je me suis mis à enquêter sur l'industrie de la gestion des déchets au Québec, qui, en passant, nous coûte 1,3 milliard par année, je me suis demandé, est-ce que cet argent-là est bien investi? Alors, ce qu'on découvre dans le documentaire, c'est que dans l'industrie de la gestion du déchet, il y a une bataille, il y a une concurrence entre, d'une part, les destructeurs de matières résiduelles, que sont les grands enfouisseurs, et les recycleurs, qui sont nos centres de tri, puis les industries qui utilisent les matières recyclées. Alors, c'est une concurrence, mais on s'aperçoit que très rapidement que la concurrence, elle est déloyale, parce qu'au cours des années, le gouvernement a permis à 4 méga enfouisseurs de contrôler 75% du marché de la poubelle au Québec. Il y a 5 méga dépotoirs au Québec où arrivent 75% de tous les déchets. Alors, ces barons de l'ordure, comme je les appelle, ces barons de l'ordure-là, ils ont tellement des permis du gouvernement pour enfouir tellement de millions de tonnes par année qui peuvent se permettre de garder les prix de l'enfouissement très, très bas. Donc, 40$ la tonne, quand vous faites une grosse ville, là, vous négociez serré, là, 40$ la tonne pour enfouir, alors que ça en coûte au moins 100$ pour recycler une tonne de matière. Alors, vous voyez que jamais notre industrie de la récupération puis nos centres de tri vont pouvoir prendre le dessus sur les enfouisseurs s'il n'y a pas quelque chose qui est fait. C'est-à-dire que les enfouisseurs, encore une fois, font une concurrence déloyale à nos centres de tri et à notre industrie du recyclage. Puis c'est d'autant plus choquant parce que vous savez que l'industrie de la récupération crée 30 fois plus de jobs que l'industrie de l'enfouissement. Moi, je comprends pas les politiciens là qui ne serrent pas la vis aux enfouisseurs et qui n'encouragent pas plus notre industrie du recyclage. Ils ont tout à gagner, ça crée plus de jobs, c'est une industrie du 21e siècle, puis on gaspille moins de matière qui devient de plus en plus rare, la matière première. Je vous arrête parce que, justement, moi, une chose que j'ai remarqué dans votre documentaire, c'est une façon facile de se débarrasser du problème pour les politiciens, vous l'avez dit, mais au bout du compte, c'est notre indifférence qui rend l'enfouissement si lucratif. Est-ce que je me trompe? Écoutez, comme dans beaucoup de problèmes environnementaux, la problématique de la gestion des matières résiduelles, c'est que les gens ne sont pas conscients immédiatement des conséquences de leur gestes. Quand on jette tout et n'importe quoi à la poubelle, quand une PME ne se donne même pas la peine de récupérer ou une institution ou je sais pas quoi, ben ils voient pas immédiatement la conséquence. Les matières disparaissent comme par magie, puis on les voit pas. Donc ça prend justement des documentaires comme La Poubelle Province pour que les gens se réveillent, pour qu'on se dise, hey, attention, là, on est en train de créer au Québec 5 méga dépotoirs dans lesquels il va avoir peut-être 40 millions, 50 millions de tonnes de déchets accumulés. On est en train de fabriquer des bombes écologiques à retardement tout en gaspillant 5 millions de tonnes de matières premières par année, comme si on pouvait se permettre ça. Donc, là, on va se retrouver peut-être avec des conséquences environnementales assez désastreuses qui nous pendent au bout du nez. Mais... C'est sûr qu'il y a beaucoup de conscientisation. Les citoyens, là, ils sont quand même bons joueurs. Hein. Quand à l'épicerie, on a dit qu'il n'y a plus de sacs, ben on a apporté nos sacs réutilisables, bon, et tout ça. Mais il faut aussi qu'il y ait une volonté politique. Et c'est là que le bas blesse au Québec depuis 15 ans. On dirait que le gouvernement veut ménager la chèvre et le chou, veut pas, en même temps qu'il essaye d'aider les centres de tri, il accorde des permis pour enfouir 1 million de tonnes à des méga enfouisseurs. Le gouvernement a peur de mettre son poing sur la table et d'amorcer un véritable virage vert dans la gestion des déchets au Québec. Alors, c'est à nous à le forcer, en quelque sorte. Il y a un autre fait qui m'a interpellé, parce que, bon, on est à Québec. Vous parlez pas que des méga dépotoirs, vous parlez aussi de la pollution des incinérateurs. Parlez-nous de celui de Québec. Ça, c'est vraiment épouvantable, le fait qu'il y ait encore un incinérateur en opération au cœur de la capitale de notre province. Écoutez, partout dans le monde depuis 20 ans, l'incinération est bannie. Tout le monde s'accorde à dire que ça n'a pas de bon sens. Écoutez, l'incinérateur de Québec, là, c'est simple, hein, qu'est-ce que ça fait? Il y a aucun avantage environnemental à avoir un incinérateur. Premièrement, vous détruisez des matières premières. Hein, imaginez le gars qui est chez lui, là, et qui est dans son chalet, puis là, il prend la chaise, puis la table, il a des bits en morceaux, puis il chauffe son chalet avec ça, tu sais. On dirait, parce que, tu sais, là, on dirait, il est-tu niaiseux? Ben, c'est un incinérateur, c'est exactement ça. On prend des matières qui pourraient être recyclées ou compostées ou je sais pas quoi, et on les détruit en les brûlant. Et ça a été prouvé, je sais pas combien de fois, que l'énergie qu'on crée en brûlant des matières résiduelles, on épargnerait 4 à 5 fois plus d'énergie en les recyclant qu'en les brûlant. Alors ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, l'incinérateur de Québec, ça prend 300 000 tonnes d'inoffensives matières résiduelles et ça les transforme en quoi, à part la vapeur? Ça les transforme en 100 000 tonnes de cendres toxiques. Puis ça, les gens, ils pensent pas à ça. Et ces 100 000 tonnes de cendres toxiques-là par année sont enterrées à 50 kilomètres de Québec, au dépotoir de Saint-Joachim, si je me souviens bien, où là, évidemment, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans, dans 15 ans, quand le dépotoir va commencer à se fissurer, puis là, ces matières toxiques-là vont se mettre à suinter dans la rivière, dans le fleuve et tout ça. Alors, vous voyez, et aussi, le problème d'un incinérateur, c'est que ça ça dévie, hein, au lieu de dévier les matières vers les centres de tri, ça dévie les matières vers un centre de destruction. Alors, moi, là, comme la Ville de Québec va être pognée avec son incinérateur pour les 10 prochaines années, attendez-vous pas à Québec que vous allez pouvoir créer dans la capitale de notre province une industrie du recyclage puis de la récupération qui a de l'allure. C'est impossible parce que vous êtes obligé de nourrir la bête, de nourrir l'incinérateur. Vous parlez aussi de puisqu'on est dans l'incinération, vous parlez aussi de la valorisation énergétique. C'est inquiétant ce qu'on apprend dans votre documentaire à ce propos. C'est très, très inquiétant, Mme Monette, parce que dans le documentaire La Poubelle Province, on sonne l'alarme là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui il y a eu un très, très, très fort lobby actuellement au Québec pour implanter toutes sortes de nouvelles technologies de valorisation des matières résiduelles. Mais ça, c'est tous des beaux mots qui veulent simplement dire ce sont des incinérateurs déguisés. Parce que ce soit des torches au plasma, je ne sais pas quel processus, tout processus qui détruit les matières résiduelles pour faire de l'énergie, là, c'est à éviter à tout prix. Et surtout les nouvelles technologies, parce qu'elles sont encore plus dispendieuses que les anciens incinérateurs. Alors là, on parle, par exemple, dans le bout de Gatineau, là, ils voudraient construire quelque chose de ce genre-là, là. Ben là, il va y avoir une levée de bouclier des environnementalistes, parce qu'à Gatineau, si on crée encore une fois un incinérateur de troisième génération, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, on va être obligé de nourrir la bête. Regardez en Suède, qu'est-ce qui se passe actuellement. Les Suédois, ils ont beaucoup investi dans l'incinération. Ben là, ils sont pognés parce qu'ils n'ont plus de matière résiduelle à mettre dedans, parce que les gens ont quand même recyclé ou je sais pas quoi. Mais là, la Suède va être obligée d'importer des vidanges de l'extérieur du pays pour nourrir ces incinérateurs. C'est carrément contre la première loi de la gestion des déchets qui dit la gestion des déchets. Chaque région doit gérer ses déchets dans sa région. Mais ici aussi, on fait ça, si j'ai bien compris. On importe des... Ben c'est ça. Alors, quand je vous dis que c'est complètement insidieux, dans le film, ça, c'est un genre de scoop qu'on découvre. On découvre qu'il y a de plus en plus d'industries énergivores qui ont besoin de beaucoup d'énergie, puis que là, qui commencent à contacter des industriels pour que ces industriels-là réduisent en poudre toutes sortes de matières résiduelles pour être brûlées. Alors là, évidemment, ces gens-là nous disent toujours, non, on utilise seulement des matériaux qui sont pas recyclables, tu sais, comme des tapis d'automobile ou des affaires de même. Mais quand tu fais la moindre recherche un petit peu sur Internet, tu t'aperçois que la ligne, elle est très, très mince parce que des retailles de tapis d'auto de l'industrie automobile, c'est recyclable. Puis à chaque fois qu'on brûle des matières, on n'encourage pas la recherche scientifique à trouver des manières de recycler ces trucs-là. Dans le film, on apprend, par exemple, que la province de Terre-Neuve a 2 millions de vieux pneus qui ne savent pas quoi faire avec, des pneus usés, là. Et puis, ils voulaient les brûler, eux autres, pour faire de l'énergie à Terre-Neuve, mais les citoyens n'ont pas voulu à cause des conséquences environnementales. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Les 2 millions de pneus de Terre-Neuve s'en viennent à Joliette, puis partout ici, dans nos cimenteries, se faire brûler au Québec. Et puis, c'est nos citoyens qui vont respirer les émanations de cette combustion-là et tout ça. Alors, vous voyez, c'est très insidieux, puis c'est très dangereux, puis vous voyez que cette industrie-là, hein, il reste low profile, comme on dit en chinois. C'est incroyable. Écoutez, le temps file. On a tellement de choses. C'est vaste. Oui, parce qu'il y a toute la question du compostage, mais bon, on va laisser les gens qui vont votre film le voir, mais il reste quand même qu'il y a des problèmes environnementaux causés par l'enfouissement, justement parce qu'on composte pas les matières putrid. Ah oui, ça c'est certain qu'il faut composter les matières organiques. Écoutez, c'est la clé. Oui. D'ailleurs, dans le film, un autre truc qu'on découvre qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu en Nouvelle-Écosse, qui est la province championne au Canada pour le recyclage et la récupération. Comment est-ce qu'ils ont fait, eux autres? C'est-tu des martiens? Ils ont-tu trois têtes? Comment est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est simple, c'est tellement simple. En 98, le gouvernement néo-écossais, il a mis son poing sur la table et il a dit « Interdit d'enfouir tout ce qui est compostable et recyclable. » Ça semble facile à comprendre, hein, comme loi. Très facile à comprendre. Écoutez, en terminant, votre documentaire vise à éveiller les consciences. Il y parvient tout à fait, d'ailleurs, soit dit en passant. Il doit aussi permettre de générer de bonnes discussions après son visionnement. J'invite les gens à se rendre sur la page Facebook du documentaire. Vous appelez d'ailleurs vous-même les gens des diverses régions du Québec à vous dire de quoi ça jase dans leur coin et à prêter leurs yeux et leurs oreilles aux gens de tout le Québec. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des choses? Ah oui, moi je suis très optimiste. Quand je vois la réaction du public là, à la sortie de mon film, là, je pense que le film il va faire son effet. Présentement, il est dans des salles, dans des écoles, dans des cinémas, tout ça, mais le film va être diffusé à Radio-Canada en juin 2013. Au grand reportage et puis à Zone Doc aussi. Alors donc, ça, on va en parler de plus en plus. Il va y avoir même un site web sur le site de Radio-Canada. Donc, c'est très bien. Ça, puis la page Facebook de la Poubelle Province, c'est un forum où tout le monde peut se concerter puis dire « Ah ben oui, vous avez fait ça, puis ici, il se passe ici. » Parce que c'est très, très, très bon d'avoir des gens au ras des pâquerettes qui nous disent « Hey, gardons ça, l'enfouisseur est en train de faire ça. » Tu sais, ça sort jamais hein, au niveau provincial. Puis je compte bien influencer les politiciens aussi. On essaie de faire voir le film à beaucoup de nos décideurs publics pour que ça bouge, quoi. Eh bien, merci beaucoup, M. Blaquer. Moi-même, j'ai enseigné dans une vie antérieure. J'ai même été au service de l'éducation du Musée de la civilisation et je voyais votre film. Je me disais, il faut que tous les élèves du secondaire voient ce film-là. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils voient ça. Il faut que ça fasse partie du curriculum. Ben, d'ailleurs, je pense que ça va être réglé parce que au début novembre, le film est présenté au congrès de l'Association des professeurs d'économie et d'histoire du super, Québec. Super, super. Alors, je pense que je vais avoir des bons clients pour faire visionner le film. Eh bien, bonne continuité, M. Blaquer. Merci. Merci, Mme Monette. Au revoir. Et merci de nous aider à conscientiser nos concitoyens sur des problèmes environnementaux. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui ne sommes que des locataires depuis la nuit des temps. Prenons bien garde dès à présent de ne pas nous croire propriétaires. Si nos enfants, nos petits-enfants pouvaient garder les yeux ouverts, laissons-leur au moins un océan, trois arbres et deux rivières. Pauvre planète, ça sent la fin des abricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des abricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Eh, pauvre planète, oui, c'est pauvre planète du groupe As de Trèfle, une très belle chanson. On aura l'occasion de vous la faire, je vous complais une autre fois. Mais là, on va aller du côté de l'éditorial de Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt nous a fait parvenir, comme chaque semaine, un éditorial. Et cette semaine, il nous parle de la taxe sur les transactions financières. On écoute Claude Vaillancourt. L'Europe s'apprête à adopter une taxe sur les transactions financières. Il fallait 9 pays pour que cette idée puisse être mise de l'avant. 11 ont répondu à l'appel. Plus que ce qu'on aurait cru, parmi ces pays, il y a la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, donc pas les moindres. Pourquoi cet intérêt maintenant? Ben, dans une Europe où plusieurs pays croulent sous le poids de la dette, on cherche désespérément des nouvelles sources de revenus. Est-ce qu'il faut alors crier victoire? Les Européens ne viennent-ils pas de répondre positivement à l'une des plus constantes demandes du mouvement altermondialiste? Malheureusement, dans la vie, tout ne se passe pas tel qu'on le souhaiterait. Et si cette taxe, c'est une avancée, je pense qu'il faut le souligner, elle reste encore loin de ce qui a été souhaité par ses principaux défenseurs. D'abord, son champ d'application sera très limité. D'après le projet qui nous est parvenu, le montant de la taxe serait de 0,1% pour les échanges d'actions et d'obligations et de 0,01% pour les produits dérivés. On remarque alors que le marché des devises, n'est pas taxé, alors que c'était le projet de base de James Tobin, celui qui a lancé l'idée de la taxe sur les transactions financières. Donc, ce marché d'échange des monnaies, hein, qui est très, très important, qui est le deuxième plus gros marché au monde après celui des produits dérivés. Alors, vraiment, on se demande pourquoi les Européens ont choisi de l'ignorer. Ensuite, le montant de 0,01% pour les produits dérivés est trop bas pour empêcher la spéculation. Il ne faut pas oublier que c'était le but à l'origine de la taxe, limiter la spéculation. Les effets de la spéculation sont énormes sur les populations. On pense par exemple à la Grèce. Hein, la spéculation a contribué à hausser considérablement la dette de l'État. Alors, la Commission estime que les revenus pourraient s'élever à 57 milliards d'euros par année si tous les pays européens participaient. Cette somme, en réalité, va être beaucoup moindre puisque les trois quarts des transactions financières en Europe se font au Royaume-Uni. Or, comme ce pays est de ceux qui a refusé d'adopter la taxe, faites le calcul, alors il en reste beaucoup moins, peut-être quelque chose comme 10 milliards par année. 10 milliards par année, c'est quand même une somme alléchante, une somme non négligeable, mais beaucoup moins que ce qui aurait été possible d'obtenir. D'ailleurs, parlons-en un peu du Royaume-Uni. Malgré son puissant centre financier de Londres, c'est quand même de ce pays qui est venu le grand élan en faveur de la taxe, grand élan ces dernières années. Adair Turner, directeur de l'Autorité des marchés financiers, confronté à la crise financière de 2008, avait proposé l'adoption de cette taxe. Il a déclenché une campagne très importante au sein de la société civile anglaise, mais aussi à travers le monde, hein, et qui a décidé de baptiser dans cette campagne la taxe, on l'a appelée la taxe Robin des Bois, un nom qui nous est familier aujourd'hui. Le premier ministre britannique à l'époque appuyait aussi la taxe et il était bien décidé à mettre tout son poids pour la faire adopter. Mais Gordon Brown a été battu aux élections par David Cameron, qui maintenant est un adversaire acharné de la taxe, presque autant que notre premier ministre Stephen Harper. Comme quoi, aller voter, parfois, ça peut changer des choses. Revenons à l'Europe. Un grand flou entoure encore cette nouvelle taxe. Est-ce qu'elle sera applicable en 2013? À quoi vont servir les montants de la taxe? Est-ce qu'ils vont aller au développement et aux services publics comme ses défenseurs l'ont toujours exigé? Il reste encore bien des aspects à élucider, au dire même d'ailleurs des autorités européennes. Mais cette taxe, certainement, est un exemple à suivre. Mais elle a encore une application, je pense qu'il faut le dire, trop limitée, trop timide. La suite va nous dire si les intentions réelles de l'Europe et des gouvernements en général, et de s'en arrêter là tout simplement, ou d'aller nettement plus loin tel qu'on peut l'espérer. Alors, voilà, c'était l'éditorial de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Merci beaucoup, Claude, de nous avoir fait parvenir cet éditorial. On s'en va maintenant à la pause publicitaire. Et après la pause, je vous parle d'un avis du Conseil du statut de la femme concernant le Plan Noir. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Voici les livres qui ont marqué Pantoute. De guerre interstellaire en saga magique. Le guide du routard galactique de Douglas Adams. Demain les chiens de Clifford D. Simak. Le seigneur des anneaux de Tolkien. Le trône de fer de G.R.R. Martin. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans. Le dimanche de 13h à 14h30, CKRL vous invite à faire un détour par Les routes enchantées. Cette émission est une présentation de la librairie La Fée Enchantée, spécialisée en santé au naturel, spiritualité et écologie. Dans une atmosphère calme et sereine, vous y retrouverez livres, thé, pierres, cristaux, encens, tarots, en plus de la musique Nouvel Âge, de méditation et de relaxation. Partagez un moment de détente au 770 rue Saint-Jean et venez découvrir ou redécouvrir la feuille enchantée. 522-1234. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Jam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avijam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avijam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tape tournante et ampli des années 70 et 80. Avijam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avjam.com. Québec. Nous sommes de retour. Je vous rappelle que vous écoutez le Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Cette semaine, le Conseil du statut de la femme a rendu public un avis intitulé « Les femmes et le plan Nord pour un développement nordique égalitaire ». Cette analyse a été faite dans le souci, et là je cite le début de l'avis, la première page, l'introduction. Cette analyse a été faite dans le souci de soulever certains risques et bénéfices possibles du plan Nord pour les femmes, mais aussi dans l'optique de proposer des aménagements susceptibles d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes par la réalisation de cette initiative. Ainsi, le Conseil formule une série de 14 recommandations visant à contrer les effets indésirables et à maximiser les bénéfices du projet pour la population féminine. Nous avons parcouru cet avis et nous vous présentons les 14 recommandations, mais après l'écoute de la chanson bouleversante, disons-le, de Elsie par Elie Sapie Isaac, une artiste Inuk, auteur, compositeur, interprète et cinéaste. Surprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai bref. Tu vas manquer, pas juste moi. Comme ces filles dans les baraques, peuplées à mort dans le désordre, avec des cousins qui les traquent dans le garde-robe au bout d'une corde. Y'en a pas une qui se protège de rêver d'être seule avec toi. T'es attirant comme un beau piège, tes lèvres brillent comme un appât. Je veux te dire comment je me sens, je suis vraiment bien avec toi. T'es fin, t'es doux pis t'es veillant. T'as un beau sexe, je le veux pour moi. Les filles à soir font un cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège, aimer un blanc mouillé son nid. Je suis rêvée, ça les console, je te transmets leur gratitude et les aiguilles de leur boussole. s'en vont la nuit pointée au sud. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand il s'allonge auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici m'arrachent beaucoup. Ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou. Et quand ils parlent, ça leur fait mal. Ils sont pris dans un capteur de songe. À la coop, va donc savoir. Ils achètent de la poudre à mensonge. Partent à la chasse aux idées noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cible. Toi, tu m'as prise sans procéder. On aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Peut-être une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans te forcer qu'il n'y a rien d'éternel ici-bas. Je sais parler comme ça, c'est pas bon. Faut m'excuser, j'ai fait de mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux. Souviens-toi de ce nom, Elsie, comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal, Stilton. M'amènerais-tu dans le Boutoka, voir les couleurs, manger des pommes. Paraît que ton contrat est cher. Tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai bref. Tu vas me manquer, pas juste à moi. Pas juste à moi. Voilà, c'était Elie Sapie Isaac dans la chanson « Moi, Elsie ». Ouf! Donc, le Conseil du statut de la femme du Québec a formulé 14 recommandations dans un avis publié cette semaine. 14 recommandations visant à contrer les effets indésirables et à maximiser les bénéfices du projet, donc du plan d'or, pour la population féminine. En fait, c'est un plan de développement, le plan d'or, qui s'inscrit dans un calendrier de plusieurs décennies pour le Conseil du statut de la femme. Il faudrait nécessairement, et c'est leur première recommandation, il faudrait nécessairement que ça fasse l'objet d'une analyse différenciée selon les sexes pour mesurer les effets distincts que pourrait avoir sur les femmes et sur les hommes la mise en œuvre des projets encouragés par le programme de dépenses publiques. Donc, que les ministères, ça c'est la première recommandation, que les ministères octroyant les contrats dans le contexte du plan Nord procèdent à l'analyse différenciée selon les sexes des investissements publics prévus. Ensuite, autre recommandation, que la société du plan Nord ou l'instance, sait-on jamais, avec le nouveau gouvernement, l'instance qui la remplacera, prévoit une représentation paritaire des femmes et des hommes au conseil d'administration. Le Conseil du statut de la femme recommande aussi que la ministre des Ressources naturelles s'assure que les besoins des femmes, notamment en matière de formation, d'emploi et de logement, soient entendus à la table des partenaires du plan Nord et qu'elle formule un mandat à cet effet. Il y a aussi toute la question de la santé et des services sociaux Et le Conseil du statut de la femme recommande que le ministère de la Santé et des Services sociaux étudie les incidences de l'embauche massive de travailleurs permanents non résidents sur la population des communautés locales, notamment les risques de prostitution et de harcèlement pour les femmes de ces communautés. Autre recommandation, celle-ci s'adresse au ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire. Le Conseil du statut de la femme demande que ce ministère s'assure que les localités visées dans le plan Nord et faisant face à un afflux de travailleurs, résidents ou non, disposent de fonds suffisants pour développer des infrastructures municipales en fonction de l'accroissement de la population. Et là, le Conseil se tourne à nouveau vers le ministère de la Santé et des Services sociaux et demande qu'il s'assure que les infrastructures et les budgets de fonctionnement disponibles aux agences de santé et de services sociaux soient développés en fonction de l'accroissement de la population générée par la venue massive de travailleurs temporaires. Septième recommandation, que le ministère de la Famille s'assure de tenir compte dans l'offre de services de garde sur le territoire du plan Nord de la demande des familles nouvellement établies sur le territoire. Enfin, une recommandation très importante qui s'adresse au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Il demande à ce ministère de mener une campagne d'information auprès des jeunes, particulièrement les filles, pour les sensibiliser au danger du décrochage scolaire. Et parlant de scolarisation, il y a toute la question de la formation de la main-d'œuvre et de l'intégration à l'emploi. Le Conseil du statut de la femme s'adresse à nouveau au ministère de l'Éducation et demande que des formations préparatoires aux emplois miniers soient offertes dans les municipalités dans les communautés ou à proximité des communautés autochtones qui avoisinent les sites miniers offrant des emplois. Dixième recommandation, que le gouvernement fasse de la construction de logements dans les communautés autochtones une priorité du plan Nord. Autre recommandation, une formation sur l'univers culturel des Autochtones devrait être donnée aux travailleuses et aux travailleurs dont les entreprises côtoient les différentes communautés. Et surtout que cette formation soit développée en partenariat avec les populations autochtones touchées par le développement. Enfin, douzième recommandation, que le comité sectoriel main-d'œuvre mine adopte l'objectif du comité consultatif femmes en développement de la main-d'œuvre. C'est un comité qui s'intéresse au développement de la main-d'œuvre féminine, de diversifier les choix d'études et de carrière des jeunes femmes. Et que ce comité se voit confier la mission d'intégrer les femmes en plus grand nombre dans les emplois de production du secteur minier et qu'il est obligation d'en rendre compte. Avant-dernière recommandation, que le secrétariat de la condition féminine, conjointement avec les ministères concernés, développe une campagne de publicité pour amener les femmes à postuler pour les emplois disponibles dans les domaines de la construction, de l'exploitation et de la production minière sur le territoire du plan Nord. Enfin, dernière recommandation, que le gouvernement étende l'application du programme d'obligations contractuelles aux compagnies minières bénéficiant de crédits d'impôt de 100 000 $ ou plus, afin qu'elles soient tenues de mettre en place un programme d'accès à l'égalité en vue de favoriser l'accès des femmes aux métiers traditionnellement masculins et à la rétention de cette main-d'œuvre. Alors, ce sont les 14 recommandations du Conseil du statut de la femme. Au-delà de ces recommandations, il m'apparaît primordial que rien ne puisse se faire sans que les populations concernées n'aient donné leur accord. À ce propos, je vous invite à lire la section 3.2 de l'avis du Conseil du statut de la femme, à partir de la page 51 plus particulièrement. Vous pouvez télécharger cet avis en format PDF sur le site du Conseil, www.csf.gouv.qc.ca. Je vous lis un extrait de la page 51. À l'égard du plan Nord, la gamme des positions se dégageant des discours tenus par les membres des communautés autochtones vivant sur le territoire peut se résumer à trois positions générales. Certaines personnes rencontrées ont dit refuser catégoriquement le développement entrepris sur le territoire revendiqué par leur nation. D'autres, au contraire, estiment que les avantages que peut apporter à leur communauté le développement minier et énergétique du Nord sont suffisamment importants pour compenser les inconvénients environnementaux et sociaux, surtout que certaines règles encadrent les travaux de développement. Enfin, il y a ceux qui se sont montrés d'avis que le développement entrepris ne deviendrait acceptable pour leur communauté que si des règles plus strictes touchant le respect de l'environnement et des communautés étaient imposées aux exploitants. Cette dernière position est celle qu'ont adoptée les Innus de Maliotenan lorsqu'ils sont marchés Certains d'entre vous vont s'en rappeler lorsqu'ils ont marché au mois d'avril 2012 de leur réserve de la région de la Côte-Nord jusqu'à Montréal pour dénoncer le plan Nord. On écoute Plan Sud de Gigi Org Mops, Le R et Nemesis. L'Afrique, à mes yeux, est un peu comme notre mère. Elle a vu naître l'homme, a été sa première terre. Et nous sommes les enfants de sa chair. Et hypocritement, nous sommes en train d'y faire la guerre. Et le Nord québécois, c'est une jeune fillette. Fragile et sensible, c'est son étiquette. Une serrette pour qui un futur incertain nous dira. Tire sur la chevillette et la bobinette gérante. Tu veux savoir ce qu'attend le grand Nord québécois? Alors tends l'oreille et l'Afrique te dira que le développement sauvage et les mines à ciel ouvert se font sans partage, pollue l'eau, le ciel et la terre. On a su protéger le Nord jusqu'ici. Je vois pas c'est quoi l'urgence, le feu est pas pris. Je suis pas contre le développement, mais ça doit pas se faire tout croche. Aux yeux de l'environnement, y'a peut-être moyen de faire ça plus propre. Plan Sud qui défend le pays. Independencia. Terre ouverte, gouvernement entré. Independencia. Complété comme à Pompéi. Independencia. Independencia. Independencia. Plan Sud qui défend le pays. Independencia. Terre ouverte, gouvernement entré. Independencia. Complété comme à Pompéi. Independencia. Independencia. Plan Nord, plan Sud, plan Ouest. Regarde en Afrique, on s'est fait fourrer dans les fesses. Tu crois quoi? Ils nous ont dit vouloir développer l'Afrique, mais 200 ans plus tard, les Africains n'ont toujours pas de fric. Le plan Nord, c'est juste pour mieux t'exploiter. Ils nous ont spolié, humilié, ils nous ont même torturé. Check, en Afrique, nos ressources nous appartiennent plus. Et quand je vois le plan Nord, y'a quand même un air de déjà vu. Va demander aux Congolais s'ils profitent du pétrole. Va demander aux Guinéens s'ils profitent de leur or. Va demander aux Tchadiens s'ils profitent de la potasse. Au pouvoir, y'a que des connards qui pensent jusqu'à faire du cash. Le plan Nord faisant un plan pour Montréal. Ici on crève la dalle et les vandales nous prennent pour des chats. Plan Sud en défend le pays, ça jusqu'à Pompéi. Sous la pluie tu me vois crier. Independencia. Plan Sud qui défend le pays. Independencia. Terre ouverte, gouvernement entré. Independencia. Complété comme à Pompéi. Independencia. Independencia. Independencia. Plan Sud qui défend le pays. Independencia. Terre ouverte, gouvernement entré. Independencia. Complété comme à Pompéi. Independencia. Independencia. Check, les yeux sont tombés sur la tête. Depuis l'indépendance, ton pays enroulé sur la tête. Et c'est la fête. Pepsi et Coca, le Pepsi c'est contre à nous, on fait de petits faux pas. Rappelle-toi 90, la crise à Oka. Ma terre en otage, ils veulent la vie à Loka. Ils veulent la totale pour quelques condos. Statu quo, Sierra Leone, Congo. Les moutons passent, je somnole et j'ai perdu le compte. Sans royal à mon réveil, je vais être tuqué contre. J'ai trop d'amour dans l'oléoduc. Robin des Bois, je distribue la tube volée au tube. Bras de fer entre le nord et le sud, entre le fort et la hutte. Quel est le but de la lutte sud? J'ai la rage, vire au vert, appelle-moi Hulk. Écolo est pour mon peuple, Independencia. Plan Sud qui défend le pays. Independencia. Terre ouverte, gouvernement entré. Independencia. Complété comme à Pompéi. Independencia. Independencia. Plan Sud qui défend le pays. Independencia. Terre ouverte, gouvernement entré. Independencia. Complété comme à Pompéi. Independencia. Independencia. Independencia. On est trop fort pour rien, tu me suis, on est trop fort pour rien, boss alors hein. On va se battre ensemble, on va se battre. Salut l'argent des compagnies étrangères qui sont pas contre de nous, qui ont déjà pour tout le monde au bord du groupe. Ils sont pas contre de faire un pas en avant, on tombera pas tous dans le groupe avec eux autres. On va se battre et on va essayer de changer ça à notre façon. Fire! C'était la chanson Plan Sud de DJ Org Mops, le RN Nemesis. C'est une chanson critique envers le plan Nord, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette chanson est tirée de la compilation Printemps érable. DJ Org s'est inspiré des capsules vidéo qui présentent des artistes de la scène hip-hop québécoise se positionnant contre la hausse des frais de scolarité afin de mettre sur pied un projet de compilation portant sur la crise sociale que nous avons vécue en 2012. Cette compilation, qui est sortie en juillet dernier, est gratuite. Elle est disponible, elle est gratuite à l'adresse suivante www.hiphopfranco.com/printemps érable printemps érable érable au masculin au singulier pardon Et rappelez toujours au masculin. Vous écoutez l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Et nous passons maintenant à ce qui est à surveiller cette semaine. Ça sera pas bien long. La première chose à surveiller cette semaine, c'est lundi soir, le 22 octobre à 19h30, au Café Babylone, au 181 rue Saint-Vallier-Est à Québec. Ce sont les soirées café engagées et celui de cette semaine porte sur la gratuité scolaire. On parlait du printemps érable. Le printemps dernier était l'occasion de renouer avec un projet de société que les libéraux de Jean Lesage avaient mis de l'avant dès la Révolution tranquille, la gratuité scolaire. Certains ne le savent peut-être pas au Québec. C'est pas le genre de choses peut-être qu'on enseigne dans les cours d'histoire, mais effectivement, le gouvernement Jean Lesage avait même mis dans son programme l'instauration de la gratuité scolaire. C'est une idée qui n'est jamais parvenue à terme. Le printemps érable a alimenté le débat quant à la faisabilité de ce projet, mais les finalités ont été beaucoup moins discutées. Alors, ce café politique va être l'occasion de faire le point, justement. Comment peut-on réaliser la gratuité scolaire et surtout, quelles sont les fins visées? Voilà, et ensuite, comme autre activité, toujours cette fois-ci le 24 octobre à 19h, ce sont les mercredis agités, c'est le documentaire Lesbiana, suivi la projection du documentaire Lesbiana, suivi d'un échange avec l'auteur. J'imagine que c'est la réalisatrice Myriam Fougère. Ça, c'est au Mercredi Agité. Ça, c'est au Bar Coop L'Agité, 255 rue Dorchester à Québec. Ayant vu moi-même le documentaire Lesbiana, je vous recommande fortement si vous êtes libre mercredi soir, le 24 octobre à 19h, je vous recommande fortement d'aller voir ce documentaire. Quoique, il y a aussi en même temps, le 24 octobre à 19h15, les Amis de la Terre de Québec qui invitent la population à assister à une conférence donnée par Claire Binet au Centre Frédéric Bach. Ça, c'est au 870 Avenue Salaberry à Québec. Imaginons un aménagement différent de la périphérie de la ville de Québec qui permettrait de ralentir l'étalement urbain et maintenir un espace pour l'agriculture, les sites d'intérêt écologique, les forêts et les loisirs. La valorisation de la ceinture verte pourrait également servir de moteur à une réelle souveraineté alimentaire à l'échelle locale. Donc, la conférence va porter sur ce projet de ceinture verte. C'est un très beau projet. Et justement, tantôt, on parlait de récupération, mais on parlait aussi d'enfouissement. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre à réfléchir sur la façon dont nous faisons en général le développement. Peut-être qu'on devrait mettre le mot humain davantage dans justement cette notion de développement. Parce que parfois, on a l'impression qu'il manque beaucoup d'humain dans le développement. Il me reste une dernière chose à vous dire, et c'est cet après-midi, c'est au Vieux-Port de Québec, au marché du Vieux-Port de Québec. Cet après-midi a lieu une activité des Amis de la Terre, j'en parlais justement à leur conférence du mercredi soir, mais cet après-midi, il y a une activité des Amis de la Terre, c'est la dernière activité de la semaine de récupération. Et cette activité, Sauve ta bouffe, voilà. Cette activité organisée par les Amis de la Terre au marché du Vieux-Port, c'est Sauve ta bouffe. Alors, je vous invite, si vous êtes disponible cet après-midi, je vous invite à vous rendre au marché du Vieux-Port, voir cette activité des Amis de la Terre. Voilà, c'était donc tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Il y a l'émission Conte de fées, animée par Olivia Vu, qui va suivre dans quelques minutes. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission Le Grain de Sable sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous recherchez dans la programmation le nom de notre émission. Et vous pouvez donc accéder aux, je crois que c'est les trois derniers podcasts, ou plutôt balado-diffusion. Je crois que c'est les trois dernières émissions que vous avez sur le site de ckrl.qc.ca. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site d'Attaque Québec, www.québec.attaque.org. Vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Et vous y trouverez également les enregistrements, l'enregistrement des émissions d'Attaque, le grain de sable d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, legraindesableqc.org, où vous trouverez aussi divers liens Internet de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Un peu plus tard dans la journée, je vais mettre un billet avec les liens vers les chansons, mais aussi vers ce dont nous avons parlé aujourd'hui, entre autres la vie du Conseil du statut de la femme, mais aussi la page du documentaire La Poubelle Province et le lien vers la page Facebook du documentaire. Nous avons nous-mêmes une page Facebook, cherchez-y le grain de sable sur CKRL. Nous avons aussi un compte Twitter, le grain de à commercial grain de sable QC en un seul mot. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre d'ailleurs sur notre blog, si vous n'avez pas retenu l'adresse. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières. Et pour l'action citoyenne, vous aimez ce que vous aimeriez qu'on vous lise en ondes? Eh bien, écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante, legraindesable@hotmail.com. On se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Et samedi prochain, ce sera à quelques jours de l'Halloween. Et nous allons discuter avec l'économiste Yannick Marcil de la peur en économie. Voilà, on se retrouve donc samedi prochain. Mon nom est Michel Lemonnette. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine. Demeurez avec nous pour la prochaine émission. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et demeurez avec nous pour la prochaine émission Conte de fées, animée par Olivier Vu sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. À la semaine prochaine. Nous sommes que des locataires depuis la nuit des temps. Prenons bien garde dès à présent de ne pas nous croire propriétaires. Si nos enfants, nos petits-enfants pouvaient garder les yeux ouverts, laissons-leur au moins un océan, trois arbres et deux rivières. Pauvre planète, ça sent la fin des abricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des abricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. On aura déménagé sous terre à l'appel du bon Dieu. Nos enfants risquent de payer cher pour l'état des lieux. J'espère au moins que nos ancêtres ont nettoyé le paradis. Si par malheur c'est en enfer que je suis conduit. Pauvre planète, ça sent la fin des abricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. En 1998, une compagnie de théâtre se rend à Laramie dans le Wyoming, trois semaines après le meurtre brutal d'un étudiant homosexuel. Basé sur plus de 200 entrevues, le projet Laramie constitue un témoignage choc dénonçant la discrimination. En 2012, à Québec, le Théâtre du Trident, en coproduction avec le Théâtre Blanc, présente le projet Laramie de Moises Kaufman et le Tectonic Theatre Project. Jusqu'au 1er décembre, dans une mise en scène de Gilles Champagne. Information 418 643 8131 ou letrident.com. Du 11 au 21 octobre, vivez la littérature au Festival Québec en toutes lettres qui célèbre cette année Isaac Asimov et la science-fiction. Achetez votre macaron pour participer aux activités. Pour information, québecentoutelettres.com. Une présentation de l'Institut canadien de Québec en collaboration avec la Caisse des jardins du Centre-ville de Québec, CKRL et la Ville de Québec. Envie d'une soirée littéraire racoleuse?